Deux hommes discutent, le premier se présente, Merlin. Le second lui dit, enchanteur. Enchanté. Monsieur, une catastrophe. Mais c'est pas possible.